Andy Poto Business. Papi Gambon, fils et fille. Andy Poto, tu m'as nangai comme un copetae. Next député, c'est le colan, mais mingambo. Diamant Billy. Sentiment nango, côté sango, délaissage. Na comme il m'a collé la chantier inachevé. Loco la porte, voyo et sangi cadena. Vengeance partout dans l'amour. Présence naïon de vitamine. Andi Poutou. Carlos et Tomata. Isasia Bolingola et l'équipe Uraya Ingaï. Patrick Libané. L'équipe Poutou Bosea. JP Luta. La préférée Nanga, c'est toi. Le potolo Nanga, Kaka Andi. Bobo Monga. Sylvain Matadi. Qui est mon stressor et oh, Andi. Patrick Mumbata. Paraploué Nangaï, n'a pas de mes lacan poulaï. Espoir y'a la vie Nangaï, et ça yo. Fils et sol. Ta façon tu me manas de bras. Andi Poutou, j'aime bien comme ça. Promo Chamalenga. Ta façon tu me manas de bras. Andi Poutou, j'aime bien comme ça. Pati Fouani Debs et Moussomo. Andi Poutou, tu m'en as gagné comme un cobeta. N'excédé vitesse le colana, mimingambo. Bob One. Santi Manango, côté sango de l'estage. N'a commis le cola chantier inachevé. Le cola porte, voyo et sangi cadena. Wangiou. Vengeance partout dans l'amour. Maître gauche. Présence naïo, les vitamines. Andi Poutou. Landine Litumba. Isasi aboli mola ele kikura ya indaye. Emenzinga. Kanena mwele kikutu bosea. Yoraka Bombay. La prefere nanga setwa. Duko tolo nanga kaka ani. Bati Sarasa. Kovo Kisoka. Kie mo sentre sore au kutu. Para blowe nanga ina bata me la kampula. Vovo Calibre 12. Espoir ya la vie nanga ina. Véro Bokonda. Ta façon tu me prends dans tes bras. Andi Poutou, j'aime bien comme ça. Michel Botofio. Ta façon tu me prends dans tes bras. Andi Poutou, j'aime Michel bien Lodama. Comme ça. Andi Poutou, na sengi bolingo et loko bosu soute, c'est l'amour. Fidelité na kosenga na yo loko la lole mon amour loko. Kosa te promise pananga loko la kanan. Ebayabana Israela Noble Makela. Andi Poutou na sengi bolingo eloko mosusu te se l'amour. Fidelite na kosenga na yo lokola lole mona molo. Robin Gele. Kosa te promise pananga lokola kana. Ebayabana Israela. Seda immortel. Bati Asabe Kasa Europa Yosa Matia Ricky Mondo Paolo de Souza. Bolingo na yo Andi Poutou before que l'amour. Sua na ngai Loko na ima boti sikae. Papi Kaba le Grand Kirikou. Junior Champs-Élysées. Andi Poutou basu suba la donne Terega la la donne bolingo. Bolingo na yo Andi Poutou before que l'amour. Mimi Kamalando Stone Kasa Bolingo Yama Kaka Prima Pesan Atana Sengi Bolingo Yama Aretela Mamae Tantosa Badouter Bakale Festa Kakae Le roi de Chili Wabalorango Sek Makadi Atala Nouch Honorti Mama Nelly Bokonda Mama Megan. Andi Poutou na sengi bolingo eloko mosusu te se l'amour. Fidelite na kosenga na yo lokola lole mona molo. Chantal Nyota. Kosa te promise pananga lokola kana. Epaya bana Israela. Amina de Verchache. Andi Poutou na sengi bolingo eloko mosusu te se l'amour. Fidelite na kosenga na yo lokola lole mona molo. Kosa te promise pananga lokola kana. Epaya bana Israela. Obunji Konjo, Beke Son. Na sala ndenge nini po ebake na linga kaya janilai. Na bomba na motema dije nzongo. Floride Newadi. Susi na nsime bomaka, stino maemba komisi charge. nako ya kokufa bongo basalanga autopsi bayebati na ya likambo poison to souci Niko Mokonzi Sita Musampai La préférée nanga c'est toi Doko tolo nanga kakane Al Mustafa Moje Zabwika Roger Sunga Son Excellence José Endundu Sampe Mwambeye Grand Lac La façon tu me manas tes bras Ali Boutou j'aime bien comme ça Johnny Lopez Papa Nanem Ta façon tu me manas tes bras Ali Boutou j'aime bien comme ça Double One Maître Lemabe Kamba Kamusu Ali Vika Bosana Mabe Nyoso Salanga Kasi Bomoto na yo jamais Alex Ana Luboloko Nandi mika bosa na mabe nyoso salama Kasiko moto na yo jame Alex Kumusi na koka na mateko vivre sangwa Ono diramu Angel Siki Boki Kabambala Maître John Ika Deyam Nandi mika bosa na mabe nyoso salama Lisi Tola Kasi kwa moto na yo jame Alex Kumusi na koka na mateko vivre sangwa Ono diramu Londini Matagi Muchacha Tembele Nandi mika bosa na mabe nyoso salama Kasi kwa moto na yo jame Alex Kumusi na koka na mateko vivre sangwa Ono diramu Jérôme Kayemba Force Blanc Joseph Bokke, ADG